triste horizon de nos maisons en bord de mer. On dit pourquoi sortir du lit pour une vie moche qu'on risque encore de perdre. J'aimerais laisser dehors à ceux qui souffrent, mais dehors y'a la vie et j'entends siffler Youssouf. Attends je souffre, prends une bouffée d'air pour évacuer le seum. Et me demande pourquoi tout jeune on trouve la vie tout chum. Des fois on crie, souvent on se tait. Là où les galères des grandes gueules sont ponctuées par un chef. Tout s'en prend aux problèmes colossaux. Les études, la vie pro, la zone, le zoo, la poisse, les colossaux. Des raz-de-marée, des preuves attendent derrière l'écluse. César parmi les ados sur le radeau de la méduse. Ok y'a pire ailleurs mais ailleurs je ne suis pas. Et c'est pas parce qu'on a pas ce qu'on aime qu'on doit aimer ce qu'on a. Moi ce que j'aime c'est quand la lune met en veilleuse notre hémisphère. Saoulé par la ville, je n'aime que ses lumières. Loin de la vie, ses boules de gomme et ses mystères. Ces hommes, ses ministères. Et c'est pas parce qu'elle est ce qu'elle est que je dois m'y faire. C'est nos vies, en vertu et vie. En souffrance et kiff, respectifs, tous victimes du temps qui passe. C'est nos vies, comme tout le monde, on veut faire un truc qui marche. C'est la vie, alors faut lui sourire quand elle grimace. C'est nos vies, en vertu et vie. En souffrance et kiff, respectifs, tous victimes du temps qui passe. C'est nos vies, comme tout le monde, on veut faire un truc qui marche. C'est la vie, alors faut lui sourire quand elle grimace. Un début d'histoire sombre, 1er novembre, né dans les décombres. Le jour de fête des morts, mais sur mon étoile, y'avait pas d'ombre. Ma mère est le troisième fils à mon père. J'opère en mode malin super fier. La fierté de mes grands frères. C'est Goutchoupé qui se téléporte pour exploser les portes. On vient de loin, ils sont pas choqués si des blés d'armes escortent. On plie le game en deux comme un Startac. J'entends Bzartek et pour l'instant t'as vu que mon attaque est mais c'est dur. Et je crois que Cupidon c'est du bidon. Ma femme y croit, je vais y croire avec elle comme si c'était béton. De plus je suis le fils de quelqu'un de bien. Amine. Donc les bénédictions pleuvent sur mon blaze. Il faut du liquide, des écrans en cristaux liquides. C'est ton équipe qu'on liquide, négro on est trop wicked. Nos vies, un récit brut, pas épuré de sens. Et s'il y a trop, faut y voir, moi je suis venu goûter ma chance. C'est nos vies, en vertu et vie. Nos vies, en souffrance et kiffi. Respectifs, tous victimes du temps qui passe. C'est nos vies, comme tout le monde, on veut faire un truc qui marche. C'est la vie, alors faut lui sourire quand elle grimace. C'est nos vies, en vertu et vie. Nos vies, en souffrance et kiffi. Respectifs, tous victimes du temps qui passe. C'est nos vies, comme tout le monde, on veut faire un truc qui marche. C'est la vie, alors faut lui sourire quand elle grimace. Pessimisme et néanmoins violentissime comme mon double. Jeune noir dans l'existence et ses troubles. On veut des roubles et c'est tout. Terrible venu des rues où les histoires d'amour nous cassent les yokou. A raison, non à tort peut-être. Mais c'est sur la tienne que nos vies est une fenêtre. Triste comme de naître sans savoir à quoi on sert. César Fall parmi les meufs vénales et les mecs vénères. Réceptif à l'appel de l'Aden. On veut jardin d'Éden. On vit l'album croisement de la pépière et de monsieur Ben Laden. La foi dans les ADN. Juste à côté de la rage et de la haine. J'fais qu'un constat de guerre comme CNN. Yeah, Aya 16, Mali Sénégal dans nos ambiances. La vie faut la chnikap. C'est comme une kalachnikov quand j'y pense. J'ai fait des études parce que le savoir est une arme, man. Mais j'ai pas réussi à braquer le boulot. On entend pull-off, j'peux pas revenir en arrière un quart de siècle au compteur. J'ai jamais su lire le prompteur. C'est nos vies, en vertu et vie. Nos vies, en souffrance et kiffi. Respectifs, tous victimes du temps qui passe. C'est nos vies, comme tout le monde, on veut faire un truc qui marche. C'est la vie, alors faut lui sourire quand elle grimace. C'est nos vies, en vertu et vie. Nos vies, en souffrance et kiffi. Respectifs, tous victimes du temps qui passe. C'est nos vies, comme tout le monde, on veut faire un truc qui marche. C'est la vie, alors faut lui sourire quand elle grimace. Victimes du temps qui passe. C'est la vie. On veut faire un truc qui marche.